Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 26 l'entretien qui indique notamment « Pour mettre en cause le déroulement frictueux au niveau plus élevé de notre lancement d'essai de l'engin balistique en plongée de sous-marins stratégiques, les forces hostiles cherchent à fomenter le climat de pression contre notre République. Les États-Unis et certains pays à leur remorque lancent des propos provocateurs envers notre lancement d'essai, alors que le 25 courant, le Conseil de sécurité de l'ONU a ouvert même une réunion consultative urgente. Le fait d'accuser notre lancement d'essai de violation d'une certaine résolution et de le porter au Conseil de sécurité de l'ONU est une scélérate provocation rappelant le voleur qui crie au voleur. Rappelons que quelques mois auparavant, les États-Unis ont introduit en Corée du Sud les biens stratégiques nucléaires et de grands effectifs militaires sans précédent dans l'histoire pour livrer les exercices militaires conjoints Kill Resolve et Aigle 16 tout en parlant ouvertement de l'occupation de Pyongyang. Et malgré la protestation unanime du pays et du monde, il s'adonne maintenant aux manœuvres militaires destinées à la première frappe nucléaire contre notre République. Le résultat du dernier essai de l'engin balistique en plongée a prouvé nettement que notre pays est dignement entré au premier rang des puissances militaires, doté parfaitement de la capacité de frappe nucléaire, et que le territoire américain et la zone d'opération du Pacifique sont bel et bien dans nos mains, bien que les États-Unis prétendent le contraire. Accuser insensément notre mesure ne fait qu'accélérer la ruine américaine. Le meilleur moyen pour éviter nos frappes impitoyables et indignées, c'est de garder le sang-froid et de se retenir sans porter atteinte à notre dignité et à notre sécurité. Si, malgré nos sévères avertissements, les États-Unis menacent le moindre du monde, la dignité et le droit à l'existence de notre République, notre digne puissance militaire montrera par étapes et successivement toutes les mesures d'action sensationnelles.